Yes, salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture. We'll be back, extrait du dernier album en date de Megadeth avec son album The Dead, The Dying and The Death. We'll be back tout de suite sur Mustaine n'a pas menti. Ils sont maintenant de retour, par contre différents. Ils annoncent là le dernier album en date pour le groupe de Dave Mustaine. Ils devraient raccrocher après une tournée d'adieu qui s'étendra après, bien sûr, la sortie de cet album The End Is Near. Donc plus d'informations prochainement, les reformations et autres tournées d'adieu, on a connu. Donc, on a connu aussi des groupes qui l'ont fait il y a par exemple une quinzaine d'années et qui sont encore là. Donc, à toujours apprendre avec des pincettes, bien entendu. Néanmoins, je serais impatient, malgré tout, d'entendre le nouvel album de Megadeth. Maintenant, un nouvel album du groupe Halloween, ça sort aujourd'hui même, Giants and Monsters, une superbe pochette dans la lignée de celle de l'album précédent, l'album éponyme. Que dire si ce n'est qu'on a eu un petit single cet été qui s'appelait This is Tokyo et on continue avec un autre morceau court à ces singles dans l'esprit par Halloween, A Little is a Little Too Much, qui est une pure composition dans la veine de ce que propose Andy Deris depuis qu'il est dans Halloween, morceau court, pas mal de petites orchestrations, de sons différents pour un morceau assez catchy qui ravira les amateurs de power metal. pour une pure composition de Andy Darris sur le dernier album de ce bon vieux Halloween, Giants and Monsters. Ça voit le jour aujourd'hui même et on revient maintenant sur la programmation de Overdrive. Overdrive, vous devrez avoir de l'excellente musique ce soir avec Sami Hagar. Sami Hagar qui nous sort ici son nouvel album en live, enregistré en compagnie d'un line-up de rêve, Kenny Aronoff, Joe Satriani, Michael Anthony et bien sûr ce Sami Hagar. Donc Satriani remplace ici un petit peu Eddie Van Halen puisque ce concert est, on va dire, basé sur une grande partie de la carrière et de morceaux qui ont été enregistrés sur la période Van Hagar. Voilà, extrait de cet album qui paraîtra le jour début octobre. Ce sera The Best of All Worlds Band, Sami Hagar, The Residency. Ce sera le morceau Summer Night qu'on va diffuser tout de suite pour tout simplement annoncer quasiment la fin de l'été. Et presque là, rentrée Sami Hagar Live, Summer Nights. It's a hot summer night. just by thinking about it. Meet Base 44. Valley. Night Hawk avec ce morceau Home Tonight, tout en douceur et rock'n'roll ici. Vous êtes toujours à l'écoute de Overdrive sur le 895 de Radio Dio et on va passer maintenant à ce groupe Eye on Wheels qui nous sort son nouvel album The Monkey sur la clonosphère. Pour les amateurs de hard rock à tendance stoner, vous devriez trouver ici votre compte. On a un gros son bien gras, des morceaux bien envoyés et bien ficelés. Que demander de plus? Un peu d'humour, et c'est le cas sur ce The Monkey Who Dipped His Ball in My Whiskey par le groupe Eye on Wheels. We'll be right back. okay with me. I love these walls and lonely halls. It's where I'm supposed to be. But when I'm lying awake at night, oh, reeling from my meds, there's something flying around my face, buzzing around my head. Everybody's so kind to me. They feed me every day and walk me round these lovely grounds. It's home to me this way. But when I'm standing in a trance, staring at the clear blue sky, I know that they're all watching me, just waiting for me to die. Le père Cooper, Vincent Furnier, de retour avec un nouvel album. Il est toujours aussi productif, The Revenge of Alice Cooper, The Band. Ici, il est entouré de son groupe de la fin des années 60 et nous fait revivre le son du Alice Cooper Band original. Voilà, ces dernières années, je le trouve particulièrement inspiré, ce cher Alice Cooper, notamment les albums Detroit Stories ou même This Road. Detroit Stories était bien entendu un hommage à la scène de Détroit. This Road était un hommage à son groupe live, puisqu'il a, une chose n'est pas coutume, enregistré son album de 2022 en compagnie des musiciens qui l'accompagnent sur scène, donc la guitariste Nita Strauss notamment. Voilà, on va revenir maintenant à du heavy metal pur et dur avec le groupe Vicious Rumors et ce morceau Crack the Sky in Half. We'll be right back. Burning Witches, High Priestess of the Night. See the silhouettes up in the sky. Et maintenant, après le groupe Burning Witches, on va continuer avec Wolf's Skull qu'on va écouter tout de suite et Holler in the Hollow. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Dieu. Wolf Skull pour du heavy metal des plus plaisants. On va continuer maintenant dans Overdrive. Overkill. Overkill is live in Overhausen, dans lequel le groupe interprète des morceaux de deux albums particuliers, Horoscope début 90 et Feel the Fire pour la partie des années 80. Donc ici, le public est ravi. On a ici à faire deux bons albums, bien entendu, passés au son des années 2010. Ça fait vraiment mouche. On va se passer la petite douceur Bare Bones tout de suite, sur lequel la voix de Didi Verny n'a pas, enfin plutôt de Bobby Blitz et la basse de Didi Verny n'ont pas pris une ride. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le groupe Mantra avec ce mini-album Human, ce 6 titres, c'était le morceau Talion pour cette EP publié sur MNO Music. On va continuer dans du death metal mélodique avec le groupe In Mourning. In Mourning, tout de suite, qui sort son dernier album et ce sera le morceau Song of the Cranes. I was stirred of the myriad words. Yes, vous venez d'entendre le groupe Call of Karen avec ce Awesome Grave pour du death metal assez rapide. On continue dans ce style-là maintenant avec le groupe Ashed Winter, ce groupe de Rouen qui sera du côté de Montbrison pour la première date de l'association Purple Comet. Ça se tiendra le 4 octobre prochain à la salle des fêtes de Montbrison. Purple Comet, vous retrouvez également sur cette affiche le groupe From the Ashes. On va se repasser pour leur un extrait de Ashed Winter, ce sera Running Away, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. pour le groupe Ashwinter que vous retrouverez le 4 octobre prochain du côté de Montbrison. Et on va quasiment terminer l'émission maintenant avec le groupe Manguard et son dernier album Edsturen et le morceau En Blodvitskneckskarn pour les amateurs de Metal Viking. Tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Ej kjær blodvitnesdødens kjær. Yes, vous venez d'entendre Manguard tout de suite avec son dernier album. Et maintenant, on va terminer Overdrive au son d'une petite reprise. Le groupe 7 de Bordeaux nous revient avec une reprise de Gainsbourg et ce Initial Baby qu'on va débuter dès maintenant pour conclure l'émission. Donc on rappelle le www.radioduo.org, on rappelle le www.facebook.com/overdriveradioduo pour les... podcast et les liens utiles. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci, ciao, bye bye. Et c'est comme un calice.